Let's go. Are you ready? Let's go! Are you ready? C'est parti comme chaque dimanche soir pour Rail Suprême. DJ Kayz est là. Oui, toujours installé, dans la partie, ouais. Avec les platines. Eh oui. Le son. Le son qui va être très très lourd ce soir. Bon, tout va bien? Ouais, ça va, ça va. Ça va en pleine forme. Passer un bon week-end, voilà. Là, on est en plein mois de mars. Il y a les bonnes vacances. Qui arrivent, à voilà. Ceux qui ont la chance d'y être encore. Exactement. Il y en a qui ont repris. D'autres qui vont reprendre. Voilà. Et encore ceux qui prolongent. C'est ça. Et pour les autres, bienvenue. C'est Rail Suprême comme chaque dimanche soir. Kayz, qu'est-ce qu'il y a au programme Du nouveau. Là, je reviens du bled. Là, on a été faire un petit tour au Maghreb et on a ramené des petites nouveautés. Donc, on va faire péter tout ça ce soir. Et on va pouvoir découvrir maintenant dans Rail Suprême DJ Kayz est au contrôle. C'est parti, coup d'envoi. Skyrock, Rail Suprême, c'est DJ Kayz, DJ Kayz. Casse-toi la barre. Attends. 22h, minuit 1h, c'est Rail Suprême, mixé par DJ Case sur Skyrock. Devant qui est cancer, monde au solo des sincères, tant qu'à faire, monde un libéral qui sera insère, légendaire, pour les gens durs, je suis ce que j'en dure, en temps de guerre, il porte un string dans mon flanc, je serai joué en dur. Bye. Aïe. Ce sont qui sont les rues du bled, les odeurs du bled, les valeurs du bled. Frôler le ballon, pas loin de prendre 10 ans pour un truc balourd. J'suis un cassos, on voit narguer le plan sauce anti-harpose. La Kabylie ma source, moi ouais, j'les assosse. On est loin d'être parfait, mais l'amour et l'amitié avant le portefeuille. Le haram, j'connais son parfum, guidé par la faim, mais que je m'ouvre les yeux, me guide vers la foi. Sortir fusil, sachez, je bosserai jamais à l'usine. Je planque mes uncles les clandés. Dites-le à monsieur Sarkozy, Galbé. J'ai peur de B pour marcher de travers. Je vais fonder une famille, devenir un bon père. Galbé, je veux pas te la faire à l'envers. Je veux voir la vie en blanc, rouge et vert. Direct sur Skyrock. Chapeau de paille ou calme, sirote d'un mojito. J'écoute plus les rappeurs, la plupart sont des gros mythos. J'ai cassé ma télé, j'ai jeté ma radio. Je vais quitter les gens qui surveillent ma vie derrière leur rideau. Je ne veux plus me lever au chant du cocorico. Des convocations à répétition au comico. Je veux me dorer la pilule sur les plages de Porto Rico. Me lever, fumer un cigare, me rendormir au cito. C'est ça la vie, c'est ça la vie. 42 gallons pour au soleil. Je veux juste oublier mes soucis et m'exiler avec un max d'oseille. Direct sur Copacabana, Copacabana. soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. نابوليطانو نكره ما يقاري خلي العديان يقولوا لحقوني لداري خويا هذا الغاشي مالو دنيا قراتني بل العديان يبانو من صغري سوفري كبر نابوليطانو نكره ما يقاري خلي العديان يقولوا لحقوني لداري خويا هذا الغاشي مالو دنيا for the show. Skyrock, Rai Suprême, c'est DJ Case, DJ Case. DJ Case comme chaque dimanche soir dans Rail Suprême entre minuit et une heure du mat. Ouais. Bien posé. Et ouais. Avec des soirées aussi DJ Case qu'il faut pas louper là pour ce mois. Est-ce que le mois de mars va être bon? Il va être très très bon. Alors vendredi 6, je vais aller voir nos amis du côté de Clermont-Ferrand. La discothèque s'appelle l'Usine. Donc grosse soirée vendredi 6 à l'Usine à Clermont-Ferrand. Le samedi 7, on va faire un petit tour dans le sud à Toulouse et ça va être dans le club qui s'appelle l'Entracte. Et on remonte à Paris dimanche 8 au Garden, c'est à Plaine Saint-Denis. Voilà. Donc direction pour aller passer des soirées avec DJ Case. Sinon chaque dimanche soir t'es là, tu mixes ambiance la France entière. Bien évidemment. Et même bien plus loin. Et oui. Ceux qui nous écoutent sur le web, sur les applis. Tous les dimanches, voilà, l'émission cartonne. Donc n'hésitez pas à envoyer des messages, voilà, balancer. Voilà, même vos remarques, ce que vous souhaitez même écouter, vu qu'on a votre écoute. Et l'émission, en plus, tu les mets toujours en ligne? J'ai été un peu moins sérieux ces derniers temps. J'ai l'impression que ces derniers temps, t'étais un peu moins sérieux. J'étais un peu moins sérieux, mais on va rebalancer tout ça, ouais. Prochainement. Ouais, prochainement. Allez guetter sur les réseaux sociaux. Avec ton aide, Fred. Ouais, je pense. Tu vas me surveiller. Allez, c'est reparti pour une nouvelle session. Yes. DJ Case au contrôle. Dimanche soir, minuit 1h, c'est Rail Suprême. Oui, c'est parti. Sur Skyrock. Rail Suprême. C'est la nuit qu'il faut que je m'évade. Y'a quelque chose de mauvais qui contrôle mon esprit. Mon cœur s'est endurci comme si j'étais Snoon. Minuit une heure, c'est Rail Suprême, mixé par DJ K sur Skyrock. Je m'en fiche, la tête dans les nuages, pense à finir riche. J'ai trouvé le bon.

واسبيك ليل ونهار كحشيك وزي حتى كلاس لا في واسبيك في دبي سير اهلي بالهاي كحشيك وزي حتى كلاس لا في

chanter, attends. Tu veux pas te lever, attends. Tu veux pas danser, attends. Mademoiselle, tu es très, donne le numéro. Non mais attends, ce que tu crois, je vais te passer mon numéro, sale blédard, mais casse-toi la barbe. Attends. C'est Rail Suprême. Et c'est fini pour ce Rail Suprême. DJ Kays a mixé pendant une heure, comme chaque dimanche soir. En ce 1er mars. Merci à toi, DJ Kays. Bah, le printemps arrive. Et ouais, merci d'avoir été à l'écoute. Les soirées continuent aussi. Bien sûr, ouais, bah, ouais. Vendredi, moi, je me retrouve à Clermont-Ferrand, à l'usine discothèque. Le samedi, à Toulouse, à l'Entracte Club. Et le dimanche, le lendemain, donc à Paris, juste après Rail Suprême, bien sûr. Et bah, terrible. On te retrouve pour Rail Suprême dans une semaine maintenant. C'est exactement. Et puis en soirée, ça. On peut te suivre toujours aussi, hein, Kays, sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux, n'hésitez pas, donc la page Facebook DJ Kays DJ espace KYZ et sur Instagram, Twitter DJ Kays Paris, voilà, cliquez et allez voir ce que fait DJ Kays voilà. Pendant la semaine, avant de le retrouver dimanche prochain. Ciao, ciao, ciao. C'est parti, le son sur Skyrock, rap, R&B en non-stop.